17h08 sur France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout en direct d'Annecy. Charline Vanhoenacker, vous êtes allée respirer le grand air aujourd'hui. Oh oui, écoutez, le public est chaud, chaud, chaud. Oh là là là là là là là. Oh là là là là là là là là. En direct du Festival d'Animation d'Annecy, le public qui vient de découvrir qu'André Manoukian était là en chair et en os. C'est le régional de l'étape. Donc je vais vous dire, ça va être énorme. Alors déjà, voici comment nous avons préparé ce déplacement, cette émission, dans le train depuis la gare de Lyon. Exactement. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Bon les gars, on est contents d'aller à Annecy. Oui. Wouh, le lac, Lamartine. Ah, on a une nouvelle chroniqueuse. Non, Lamartine, le poète, Alex. Ah, voilà. Mais c'est pas le bon lac de toute façon. Ah non, ah, non, mais oui. Moi, tous les lacs me font penser à Lamartine. Moi, c'est à la constipation. Pardon, le lac, ça te fait penser à la constipation? Oui, c'est à cause du lac Titicaca. Bon, il nous reste 4 heures de train pour monter le niveau, s'il vous plaît. Pourquoi on va à Annecy? Bah, c'est le festival de l'animation. Ah bah, j'espère que tu vas gagner. Pardon. Bah, l'animation. J'espère qu'il y aura un hommage rendu au disparu de l'année, Julien Lepers. Mais non, c'est pas un festival d'animation télé. C'est animation de supermarché. Non plus. Ça serait marrant, un concours d'animateurs de supermarché. Venez essayer mes super couteaux à la collection Nabila. Non, mais c'est un festival de films d'animation. Ah, comme Cannes, mais pour le dessin animé. Ça. Le tapis rouge, il y a les chevaliers du Zodiac, il y a Kirikou, il y a Pocahontas. Il y a Pocahontas, je suis sûr qu'elle chante bien. Comment tu sais ça, toi? Bah, ça se voit à son trait. Non, mais attends, André, le gars, il est excité par Pocahontas, mais c'est un dessin, André, t'es malade. Je suppose que Bécassine, c'est moins ton genre de chanteuse, du coup. Ah oui, elle, je pense pas qu'elle soit bien pour la nouvelle star. Et la Castafiore. Ah, il est coincé, Manoukian. La Castafiore, elle, son métier, c'est chanteuse. Et oui, mais j'ai plus rien à lui apprendre, elle. Ah, enfoiré. Il est fort. En revanche, si Jessica Rabbit cherche un pilote. Non, mais vous me fatiguez tous, là. Vous me faites plus que 3h59 de train. Bon, Fromé, rassure-moi. Je veux dire, au moins, t'as préparé une belle chanson pour Annecy, toi. Ouais, j'ai déjà un très bon début. Ouais. Annecy, maman, Annecy. Ah, c'est super. Génial. C'est super. Non. Je veux dire, le public du train de la SNCF, c'est un mauvais goût. Non, je suis consternée. Ben, heureusement, là-bas, il y aura le public d'Annecy. Bonjour la France Inter, bonjour Annecy et son festival d'animation. Vous écoutez l'émission qui met le feu au lac. Et voici les trois informations qui vont fuir en pédalo. Oh, François Hollande, justement. Il est à la une du Dauphiné avec ce titre. François Hollande salue l'animation française. Hello. Médecins sans frontières est en pétard contre la politique migratoire de l'Union européenne. L'ONG a donc décidé de refuser son aide. Rien à voir avec l'accueil des réfugiés au Canada, beaucoup plus efficace. Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthylène. Les pêcheurs du lac d'Annecy militent pour l'utilisation de moteurs électriques. Plus propre et moins bruyant, ça change l'ambiance. Enfin, l'ambiance, le... Atmosphère. Bonne pêche et bonne atmosphère. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui, hier soir, a résisté au combo tartiflette Genepi. C'est Alex Vizorek. Et si c'était vrai? Bravo. Et je vous présente l'équipe qui a fait le déplacement à 17h20. On l'appelle à Chamonix d'aider le Genepi, parce que justement, comme le Genepi, on sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Mais quand on passe beaucoup de temps avec lui, on devient philosophe. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Annecy. Je vais vous parler d'une magnifique chanteuse albanaise qui s'appelle Elina Duni et qui va jouer accompagnée d'un stérilé afghan au Cosmo Jazz de Chamonix bientôt. Parfait. 17h30, puis ce serait plutôt Guigui le Reblochon. Il est très sympa au premier abord, mais après il vous laisse un drôle de goût. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Eh bien écoutez, moi ce matin j'ai rencontré des souverainistes savoyards, figurez-vous, et je leur ai demandé ce qui se passerait si leur programme s'appliquait. Ça vous fait sourire quand vous dites que si le programme s'appliquait, mais je ne vois pas pourquoi il ne s'appliquerait pas. Ah mais non, mais ça ne me fait pas sourire. Il n'y a rien de risible là-dedans, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Ah, bon, on va pas trop se marrer du coup, je suis désolé. 17h40, lui, il est clairement venu pour proposer des versions animées des scénarios qu'il a écrits pour Jacques Audiard. Sont en cours de préparation Un prophète et Gros mythe, De Rouillé d'os et les Minimoys, et Dipane ma voiture, qui est la suite de The Cars. Bonjour Thomas Bidguin. Bonjour, bonjour à tous. De quoi on parle? Bah aujourd'hui je viens vous parler de la violence. Donc me cassez pas trop les bonbons. Très bien, et en dessin animé, Assurance Touriste, qui est beaucoup plus pénible dans les films que dans les albums. Et c'est pour ça que nous, on a amené notre barde Frédéric Fromet, qui est plus pénible en live que à la radio. Et si tu écoutes, j'annule tout est présent dans le monde virtuel des réseaux sociaux, Twitter, hashtag annule tout, Facebook. N'hésitez pas à prendre des photos là dans le public, à les poster. Nous sommes nombreux et le référent de la République du jour est né sous... On ne sait pas qui, puisque vous faites le petit cachotier avec votre date de naissance. Vous réalisez votre premier film d'auteur, Les Trois Inventeurs, et vous recevez le prix de l'Académie britannique du cinéma en 79, quand Margaret Thatcher devient Premier ministre. Vous nous proposez Kirikou et la sorcière en 98, l'année où Titanic percute l'iceberg au cinéma. Et vous réalisez Azur et Asmar, qui sort en 2006, l'année où Chirac inaugure le musée Branly. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ah, je fais des dessins animés. Ah, c'est Michel Oslo avec nous. Sur France Inter, Charline Van Manker, Alex Bizerov, si tu écoutes, j'aime tout. Michel Oslo. Et donc cette émission sur l'actualité part avec un handicap. C'est-à-dire ? Je suis au courant de rien. Mais figurez-vous. Nous non plus. Eh bien, c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut traiter d'actualité sans être au courant de rien. Vous allez voir, ça va être formidable. Mais d'abord, parlons de celle-ci, de l'actualité du Festival d'Annecy, Festival d'animation qui nous accueille. Dites donc, Michel Oslo, en matière de films d'animation, les Français, ils niquent les Américains, non ? Je n'utiliserai pas ce terme. Mais les Américains restent quand même très, très habiles, très rouleaux compresseurs, très terre brûlée autour de nous, et il faut continuer à se battre. Mais nous sommes excellents. Champion du monde. Alors, chaque année au Festival d'Annecy, Michel Oslo, vous vous retrouvez au milieu de tous vos enfants spirituels, d'une certaine manière. Oui. C'est vrai, c'est une chose que je découvre petit à petit. Je n'avais pas prévu ça. Bon, je faisais des films, j'étais content. Mais petit à petit, je m'aperçois que j'ai élevé des générations de Français et que les charmants jeunes gens et jeunes filles que j'emploie pour faire mes films ont été élevés à coups de Kirikou. Michel Oslo, vous savez, alors je vais vous dire, je pense qu'il pleut très fort dehors, il y a une ambiance de voilà. Oui. On va rapprocher votre micro. Et je vous donne la météo en même temps. Hein. Du festival avait proposé qu'on le fasse en plein air. Et on avait refusé. C'était risqué. Michel Oslo, donc vous êtes parmi vos enfants spirituels ici. Quand vous regardez ce qu'ils vous proposent aujourd'hui, ces derniers jours par exemple, pendant le festival du film d'Annecy, qu'est-ce que eux aujourd'hui vous apprennent à vous ? Bon, d'abord, si vous voulez que je dise la vérité, j'ai encore rien vu. Eh bien, merci beaucoup. Je vous ai prévenu que j'étais au courant de rien. Vous avez vu plein de choses. Non, je viens d'arriver. Ouais. Pour vos beaux yeux. Oh, Michel. Mais j'ai vu quand même des films ailleurs. Mm-hmm. Et là, la pluie me gêne. Vous ne pouvez pas arrêter. Il y a une odrache d'enfer sur Annecy. Donc, j'ai vu des films à droite et à gauche. Je rencontre aussi des jeunes réalisateurs, des étudiants. Je suis toujours ébloui. Je suis un petit peu gêné parce que je ne suis pas à la hauteur. Ils sont tous meilleurs que moi. Tous les élèves ont dépassé le maître, ça y est. Et comment ? Tous les élèves ont dépassé le maître. Ah oui, ça y est. C'est les étudiants au départ des écoles d'animation sont déjà brillants. Rassurez-moi, ça vous donne quand même envie de continuer plutôt que envie d'arrêter. Non, n'ayez pas peur. D'abord, ça me fait plaisir. Ah oui, d'accord. Et puis, je me dis, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Ah oui, il y a un prochain film, Michel Oslo, qui s'appelle Dilili, c'est ça ? Qui est en préparation. Oui. Vous cherchez des financements ? Oui. Oui, on a quand même des financements. Il n'y en a pas assez, mais on a commencé quand même. Ah, monsieur, voilà. J'ai une question. Est-ce que vous allez continuer à travailler avec Gabriel Yared, qui avait fait la magnifique bande-son, la musique de Kirikou ? Oui. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. On a très envie de travailler l'un avec l'autre, et je vais lui demander des nouvelles musiques, dont une cantate qui va vous donner la chair de poule. Et un des personnages principaux, c'est une grande cantatrice qui a existé, Emma Calvé, et qui est jouée par une grande cantatrice française, Nathalie Dessay. Oh. Et elle fait et le dialogue parlé, elle va faire une création d'une cantate pour les petites filles auxquelles on a fait du mal. Michel Oslo, et on sent que ce film vous tient à cœur, et donc on aura hâte de le voir. De musique, il s'agit aussi, là tout de suite, dans cette salle qui vous est acquise, Michel Oslo. Tous vos enfants spirituels sont là. Vous êtes sur France Inter, au Festival International du film d'animation d'Annecy, qui nous accueille sur les bords du lac, avec La Poste, donc on est sûr d'arriver. Allez. I want you back sur France Inter en compagnie de Michel Oslo, le papa de Kirikou, qui a plein de fans dans cette salle puisque nous sommes à Annecy au Festival International du film avec France Inter et La Poste. Diable. Le papa de Kirikou qui a un sacré air de famille avec son fils. Et autour de la table, André Balloukian. Il faut profiter de la radio pour dire ça. Guillaume-Maurice Thomas Bidguin et Frédéric Fromet sera là à 17h55 pour chanter Petite Chanson. Il est l'heure de l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Lors d'un hommage national aux policiers rendu ce matin aux Invalides, un homme aurait refusé de serrer la main de Hollande et de Valls. Oui, nous avons revisionné les images et il semblerait que ce ne soit pas Paul Pogba qui dit ça. Le site de Les Républicains vend en ligne les discours de Nicolas Sarkozy. Quelle belle idée cadeau. Oh, c'est beau. Et des brèves. Oui, une brève avec un Suisse et une Porsche, donc on va se marrer. Et on commence donc par l'affaire Pogba. A-t-il, oui ou non, fait un bras d'honneur sur le terrain? Oui, et ça fait plutôt rire au point qu'un twitto influent, l'Endive, a concocté une fausse une du journal L'Équipe, titrant « Fiché S, point d'interrogation », avec écrit « Paul Pogba a-t-il fait allégeance à Daesh? A-t-il déjà un bébé phoque à main nue égorgé? Son geste n'a-t-il pas été une sorte de quenelle inversée? Toutes des questions. » Résultat, sur Twitter, cette fausse une a été prise au premier degré par des milliers d'internautes, suivi par le hashtag boycott l'équipe. Voilà, on dit souvent que les footballeurs sont débiles, peut-être pas autant que ceux qui les suivent. Mais une personnalité est venue soutenir Pogba en faisant une petite vidéo. Oui, qui a soutenu Pogba en faisant une vidéo? Essayez de trouver. Elle arrive, elle est là. Elle est pas là. Elle est pas là. Ah ouais, Alors là, bon. Du coup, c'est dur de trouver. Je pense que c'est Anelka, moi. Je reconnais aussi. Oui, moi. Oh, bonne oui, réponse, oui, de Guillaume Meurice. Oui, oui, c'est Nicolas Anelka qui est venu en aide à Pogba. Et donc bah, quand t'es on en fait conf... la vanne quand même, non? Bah oui, bah bien sûr, oui, j'attendais bien. Que vous disiez « Ah bon, mais... » Ah, il y a mais... un « Ah bon, mais... » écrit, pardon. Tout est extrêmement bien rodé, hein, c'est, vraiment... c'est avec vos impôts, en plus. Attention, parce que la vanne est bonne. Bon. Attends, je vais le refaire. « Ah bon, mais... » Trois petits points. Trois mais quand t'es en conflit avec la presse parce que t'as exprimé des vulgarités, tu espères une chose, c'est que Nicolas Anelka ne te soutienne pas. C'est comme si Michel Fourniret faisait une vidéo pour dire qu'on est injuste avec Marc Dutroux. Passons à cette information politique sur le site de Les Républicains. Et oui, si vous voulez faire des cadeaux à vos amis, il y a des produits dérivés. Non. Oui, vous pouvez acheter les discours de Nicolas Sarkozy. Non. Le discours de la Porte de la Villette, seulement 7 euros. Wow. Discours de Schlittingheim, 7 euros. Discours de Saint-André-les-Lilles, 7 euros. Comment vous savez? Et alors, le discours sur l'accueil des migrants, sur l'ouverture d'esprit et sur la juste répartition des richesses, 7 euros. Non, c'était un piège, il l'a pas fait celui-là. D'accord, c'est vrai, on risquait pas de le trouver. Sans transaction, générosité. Générosité, Médecins sans frontières conteste la politique migratoire européenne et refuse désormais toute aide venant de l'Union européenne. En quelque sorte, MSF dit MFS à l'Europe. International. Avec le retour sur le terrible meurtre de la députée britannique pro-Union européenne, Jo Cox, ce matin, certains médias posent cette question. L'auteur est-il un néo-nazi ou un déséquilibré? Ah, peut-être que la question « L'auteur est-il un déséquilibré ?» aurait suffi. Retour en France après Nuit debout. Les opposants à la loi travail lancent l'opération Casserole debout ce soir dans toute la France. Ah, Patrick Balkany va participer à la manifestation. Non. Jean-François Copé, alors. Non. Il s'agit d'un... Non, c'est un rassemblement de manifestants qui seront armés d'une casserole pour faire un concert à 20h devant les mairies. Ah, un concert de casserole. Florent Pagny, alors. Non plus, non. Et un petit coucou aux élèves qui passent le bac. Oui, ce matin, c'était le bac français et celui-ci a notamment fait référence à Anatole France. Oui, et vu les réactions sur Twitter, on se rend compte que certains l'ont pris pour une femme, Anatole France, et d'autres pour un opticien. Anatole, les opticiens. Allez, la brève. Ouais, la brève. Allez, applaudissez les, non, applaudissez les jeunes Français. Bassin d'Arcachon, un Suisse oublie sa Porsche, elle est emportée par la marée. Mais oui, le mec est Suisse, il a été surpris par la vitesse de la marée. Vous êtes sur France Inter, notre invité c'est Michel Oslo qui est avec nous jusqu'à 18h en direct d'Annecy. On va aborder le premier sujet avec vous. Le président de la République a rendu visite hier au festival d'animation. Il est venu délivrer un message à ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité. Depuis très longtemps, sur notre petit nuage, nous venons, Nounours et moi, dire un dernier bonsoir à tous les petits qui regardent la télévision. Moi, je reste toujours sur mon nuage et je joue de la musique avec mon pipeau. Ah, la salle est d'accord, c'est bien ce qu'il a dit donc. Alors, Michel Oslo, je sais que vous ne suivez pas beaucoup la politique, mais la France est au beau milieu de la chiolie, comme dirait le général, chiolie sociale et économique, et François Hollande vient à la grande fête du dessin animé, en quelque sorte. Est-ce que vous, vous validez quand même, vous pensez que cette visite de François Hollande, qui vient faire honneur à votre secteur d'activité, vous validez, ça vous fait plaisir, vous trouvez ça... Oui, ça me fait plaisir, c'est vraiment une première fois, et le, ça... À soi encore mieux l'animation, ça fait du bien à tout le monde. Non, c'est très bien. On va pas critiquer. On arrête le sujet tout de suite, parce que si on peut pas critiquer... Non, est-ce que c'est un secteur soutenu par les politiques? Alors je suppose que si on le dit ici, vous allez peut-être dire que pas assez, mais quand même... Vous avez l'impression le secteur a été quand même assez bien soutenu depuis longtemps. En particulier le côté industriel. Bon, le talent, il faut que d'autres s'en occupent. Non, on n'a pas à se plaindre. Le CNC nous aide, que ce soit du cinéma en vue réelle ou du cinéma d'animation. Je pense que nous avons la chance de vivre ici en tant qu'animateur. Ah oui, et d'ailleurs, François Hollande, il n'est pas venu complètement quand même par hasard dans ce beau festival d'animation d'Annecy, parce que c'est aussi... dit-il, le symbole d'une France qui va bien. Alors s'il y a un dernier village de Gaulois qui va bien en France, évidemment, il vient le visiter. Ça, c'est sûr, non? Oui, mais est-ce que... Michel Oslo. Mais je ne vais pas dire quelque chose de correct. Quand on Oula. On sort de la bulle occidentale et qu'on se promène dans le monde, dans le monde où il y a de la guerre ou justement seulement dans le tiers-monde, et qu'on revient en France, on se dit mais tout marche bien, pourquoi ils ont l'air si malheureux? Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que l'État s'occupe de tout le monde. Bon, il y a des misères et des injustices, mais quand on revient de loin, on a l'impression que les Français... Attendez, j'ai pas fini. Non, mais ils vont voter pour vous, Michel, présentez-vous. Oui, non, mais attendez. On a l'impression que les Français sont des gosses de riches. Ils veulent qu'on les plaigne parce que leur caviar n'est pas à la bonne température. Comparativement. C'est vraiment ce qu'on se reçoit. Michel Oslo. Mais il y a des huées, c'est bien. Hein. Mais tout, oui, voilà. Alors disons que comparativement, on n'est pas les moins bien lotis, c'est sûr, mais il y a encore quand même pas mal de choses. Il y a du boulot, quoi, allez François, au boulot, quoi. D'ailleurs, pour terminer, dans le Dauphiné, ce qui est assez amusant, c'est la visite du président. Je cite le Dauphiné. Le président a ensuite quitté le monde virtuel et coloré de la cabane à histoire pour saluer une start-up, etc., etc. Espérons que ça lui a fait du bien. André Manoukian va nous faire du bien, voilà. Là, tout de suite, à Annecy, chez lui, au bord du lac. Mais Charline, comme je suis fier d'être le local de l'étape, c'est que mon lien avec Annecy est charnel, voire sexuel. Mais oui. Levez la main, celle qui... Non. J'y suis pour rien. Une bonne trentaine, hein, quand même. Je vais vous faire la confidence. C'est à Annecy que mes parents firent leur voyage de noces. Et c'est au bord de ce lac, dans une tente, que je fus conçu parce qu'ils faisaient du camping. Mais oui. Un soir où mes chers géniteurs revenaient de randonnée du sommet de la Tournette, plus précisément. Charline, la Tournette. Vous voulez qu'on y aille? Le lac. Bah, l'eau, la libido. Vous avez compris que j'étais né sous de beaux auspices. D'autant que la randonnée, c'est un sport familial. Déjà, ma grand-mère, en 1915, se tapait à Amasya d'Erzor, un trek de 980 km organisé par le Touring Club de Turquie et le club alpin syrien, pendant que mon grand-père faisait une télé-réalité russe, Vladivostok Express, un jeu où on s'échappe d'un camp situé aux confins de la Sibérie orientale et où on est achevé en Turquie. Mais revenons au bord du lac d'Annecy. C'est une chronique musicale, hein, vous rappelez, ne paniquez pas. 9 mois plus tard, sur la colline de la Croix-Rousse, à Lyon, la colline de la Croix-Rousse, c'est le dernier caillou d'un glacier qui descendait du Mont-Blanc jusqu'à Lyon, en passant par Annecy, bien sûr. Et j'ai l'impression que l'au-delà n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Il y a du tonnerre, André. Tel le saumon qui remonte son fleuve jusqu'à la source pour pondre, j'ai remonté le glacier jusqu'à sa source, le Mont-Blanc, pour pondre quoi? Le Cosmo Jazz Festival de Chamonix qui a lieu. Oh, placement de produit. Mais oui, mais ouais. Et alors? Oh, le conflit d'intérêts. Alors, c'est quoi? Vu que les glaciers reculent, ce festival consiste à appeler des musiciens pour tenter d'amadouer les glaciers afin qu'ils redescendent leur langue dans la belle vallée du Mont-Blanc. A contrario, au 19e siècle, et c'est une histoire vraie, les curés au Savoyard aspergeaient le glacier d'eau bénite pour qu'il recule, car il menaçait les villages. Un glacier, c'est vivant, ça va, ça vient. Mais cessons de parler du coït des glaciers et voyons ce qui va se passer à leurs pieds. Moi, je reprends du génépi, excusez-moi. Puisque ce festival propose des concerts en altitude dans des sites époustouflants, des belvédères suspendus, des prairies d'alpage, des lacs de haute montagne, des cirques lunaires, des cathédrales de basalte, des aiguilles de granit tendues vers le ciel, comme le doigt de Guillaume Maurice tendu dans la... Pardon. Sous le haut patronage d'aigles, de parapentistes qui tournoient autour des scènes naturelles qu'ont investi les musiciens. Cette année, une performance spéciale aura lieu au chalet d'alpage de la Loria, où l'on arrive après une rando de 2 heures. Une sirène des Alpes se tiendra là, face à une des plus belles vues sur le Mont-Blanc, devant un public choisi, puisqu'il aura marché, pour offrir un concert au clair de lune. Et après une nuit dans les chalets, la chanteuse nous proposera d'assister au lever du soleil qui émerge juste derrière l'aiguille des Drues, lever qu'elle accompagnera de ses mélismes. Un mélisme, c'est une circonvolution musicale, c'est une manière de tourner autour des notes fortes, de les relier en dessinant de nouvelles lignes à sa fantaisie, suivant le gré de son inspiration. chanson. La chanteuse s'appelle Elina Duni, elle nous vient d'Albanie. Dans les Balkans, on n'a pas attendu Charlie Parker pour devenir maître dans l'art de l'improvisation. De tout temps, des vallées du Caucase au sommet des Alpes se tenaient des concours de makam. Un makam, c'est une gamme, Guillaume. Nous en avons deux. Un makam, oui. Nous en avons deux en Occident, la gamme majeure et la gamme mineure. En Orient, il en existe des centaines. Vous avez compris pourquoi ces pays sont ingouvernables ? L'Albanie qui fut déchirée entre les Grecs, les Romains, non. Les Byzantins, les Serbes, André, on les Turcs, le rapport. Les Vénitiens. Les gens quittent la salle, André, là. Et pour finir par Staline, les gens deviennent belliqueux, André. Petit pays montagneux aux terres arides, mais à la langue tellement chantante, surtout quand c'est Elina Duni qui s'y colle. Fille d'une écrivaine et d'un metteur en scène de théâtre ayant fui le communisme avant la chute du mur, Elina est de toutes les cultures qu'elle réunit par la grâce de son chant. On l'écoute dans Cité. Elle chante en albanais. Oui, je trouve qu'on n'entend pas assez cette langue. Sur France Inter, Cité, ça veut dire les yeux. Je vous fais la traduc. Le sommeil ne vient pas ce soir. Seule la lune me tient compagnie. Je pleure sur toi, mon amant. Où es-tu ? Je supplie la lune. Aide-moi à trouver celui que je chéris tant. Vedem honom von Schosni, Vetsch barti i dasht un tjaj, Pses vjen mas diçka të boj. Kad nad leqo mi isma mer, Vedem honom ban shoqni, Veç për ty i dasht un qaj, Pse zvjen mas diçka të boj. Découverte. André Manoukian, on pourra donc la voir à Chamonix. Voilà, André, qui sera au Cosmo Jazz du 23 au 31 juillet 2016 à Chamonix. Et nous sommes pas loin, nous sommes à Annecy en direct du Festival International du Film d'Animation. On tourne avec La Poste, mais oui. Bien sûr. Et nous sommes en compagnie de Michel Oslo et avec vous, Michel, avant une chronique de Thomas Bideguin tout à l'heure et puis Guillaume Meurice. Ah bah tiens, c'est maintenant. Ce serait pas maintenant ? Mais oui. Ah oui, c'est maintenant. Peuple de Savoie, bonjour ! Savoyarde, Savoyard, je vous ai compris ! Oui, je récupère le général de Gaulle. Oui, j'ai un côté Nadine Morano qui ne se voit pas immédiatement. Je récupère le général de Gaulle lorsqu'il parle d'indépendance, parce que oui, l'heure est venue, peuple de Savoie, de te libérer du carcan jacobin d'un État français oppresseur ! Vous, peuple fier... Ouais, c'est mitigé, c'est mitigé. Pas massif, c'est pas massif. C'est le début, c'est le début. Vous, peuple fier et imprévisible, ce matin encore, n'ai-je pas rencontré une dame avec des étoiles qui courent dans la neige autour de son chalet de bois, avec des guirlandes qui pendent du toit ? Oui, je récupère aussi Francis Cabrel. J'ai un côté Shakira qui ne se voit pas non plus, immédiatement. Et oui, j'assume de défendre aujourd'hui vigoureusement l'indépendance de la Savoie. J'ai rencontré ce matin des responsables des mouvements souverainistes, notamment un des porte-parole, Pierre Biguet. Pourquoi peut-on avoir l'espoir que l'État de Savoie renaisse ? Dans les instances internationales, cet État de Savoie n'a jamais disparu. D'où la création de cette Savoie fédérale. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une place à l'ONU, par exemple ? Oui, bien sûr qu'on peut avoir une place à l'ONU. Mais oui ! Il vous faut une place à l'ONU, peuple de Savoie, vous la méritez. Vous aussi, vous avez le droit de voter des résolutions qui ne servent à rien. Oui, au droit inaliénable du peuple de Savoie de pisser dans des violons, comme les autres nations, et de laisser au final les États-Unis décider tout seuls. Oui, la Savoie a sa place dans le concert des nations, et même dans le concert des régions. On est en relation, bien sûr, avec les mouvements indépendantistes ou nationalistes bretons, ou basques, ou alsaciens, ou que... On peut imaginer des échanges choucroute contre Reblochon. Oui, décidément, vous avez toujours envie de folkloriser, mais... Mais non, mais il faut être fier du Reblochon. Vous savez, les gens qui militent là-dedans, quand on les compare à des Reblochons, bah, je pense qu'ils vous auront à peu près la même réaction. Mais j'ai pas dit ça. Si. Je vous ai comparé à un Reblochon. Vous avez dit que vous avez parlé du Reblochon. Bon, j'ai déconné, pardon. Il y a pas mal d'humour, là. Non, mais j'ai failli déclencher une crise diplomatique entre la Savoie et la France. On est passé à deux doigts d'un Reblochon gate, hein, de grande envergure. Je te présente mes excuses officielles, peuple de Savoie, et je reprends la lutte avec Pierre, qui nous explique le but de ce mouvement souverainiste. C'est d'apprendre l'histoire, de réapprendre l'histoire aux Savoisiens et aux gens de Savoie et aussi aux Savoyards, parce que je veux dire, on va pas faire de ségrégation. Ce qu'on souhaiterait, c'est que tout le monde y participe. Et les Savoyards, et les Savoisiens, et les gens de Savoie. Voilà. Voilà, tous réunis, Savoyards, Savoisiens, gens de Savoie et même les habitants de Savoie s'il faut. Et pourquoi pas également des personnes qui auraient une maison, qui vivraient sur ce territoire. Tout le monde est le bienvenu, soyons ambitieux. Et comme le dit Pierre, pas de ségrégation. Même s'il faudra bien évidemment, en toute responsabilité, régler définitivement la question de l'immigration. Je suis pour l'immigration utile. L'immigration utile aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? L'immigration utile, c'est que les gens qui viennent puissent participer, que ce soit à l'économie, les us et coutumes de la région. Parce que l'immigration, ça peut être aussi l'immigration française. Il y a des Limousins qui viennent en Savoie. Vous êtes envahi? On est envahi, oui, je pense qu'on est envahi et c'est un peu regrettable pour nous. Eh oui, il faut vous protéger, peuple de Savoie. Au risque de perdre votre identité, le grand remplacement Limousin a commencé. N'ai-je pas vu tout à l'heure dans la rue un homme qui priait en direction du Massif Central? Est-ce acceptable aujourd'hui dans l'état de Savoie? J'ai vu une femme avec un t-shirt Clermont-Ferrand Forever. Combien de temps allez-vous tolérer ça, peuple de Savoie? Le danger vous guette jusqu'à l'intérieur même du mouvement d'émancipation savoyard. Ce matin, j'ai également rencontré un autre souverainiste, Charles Boutaz, qui m'a dit quoi à propos des étrangers? Ils sont acceptés. Il n'y a pas de crainte à avoir. Mais imaginez, si vous devenez une région très très prospère, il va y avoir des bateaux de migrants franc-comtois qui vont déferler sur votre territoire. Historiquement, l'immigration a été une richesse pour les pays qui accueillaient ces populations. Donc si les franc-comtois souhaitent venir en Savoie, pourquoi pas? Quelle honte, quelle honte! La décadence te guette, peuple de Savoie. L'immigration qui enrichit, mais quelle bêtise! Il parle comme un économiste honnête. N'a-t-il jamais lu l'Express, Le Point, Les Échos, Valeurs Actuelles, la Gazette de la Tartiflette, Le Cri du Génépi? Partout, il est écrit l'inverse. Alors soyez vigilants, hein, soyez vigilants jusque dans l'émancipation, car elle a des limites. Imaginez Chambéry s'y demandait à son tour l'indépendance. Et si Beaufort-sur-Doron faisait sécession? Et si la Croix de la Rochette se rebellait contre le pouvoir pourtant légitime de l'État de Savoie? Posons-nous les bonnes questions et posons-les à un autre souverainiste, Michel Chiaberto, que j'ai rencontré également ce matin. Mais pourquoi ils voudraient se détacher de la Savoie? S'ils veulent leur indépendance, ils... Mais chaque commune ne va pas demander son indépendance. On ne sait pas, elle peut dire c'est un pouvoir centralisé en Savoie et puis nous on veut notre indépendance. C'est un peu des questions pièges là. Mais oui, c'est une question piège, Michel. Mais tu dois être préparé à ça si tu gouvernes l'État de Savoie, Michel. Les El Kabach, Pujadas, Arlette Chabot, ils feront aucun cadeau. Sauf si c'est toi qui leur en fais en les invitant à des dîners en toute déontologie parisienne. C'est alors que la victoire sera définitive, Michel. C'est alors que tout le peuple de Savoie chantera avec toi, chantera comme toi, avec vigueur, l'hymne des Savoyards. Car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté. La liberté. Et comme l'aurait dit le général de Gaulle, vive la Savoie libre! Merci Guillaume Meurice, en direct du festival d'animation d'Annecy sur les bords du lac, sur France Inter, en compagnie de Michel Oslo. La politique migratoire de l'Union européenne scandalise Médecins sans frontières. Médecins sans frontières décide donc de se passer du financement de l'Europe. Si seulement ça pouvait faire réfléchir les décideurs à Bruxelles. C'est vrai, on devrait se consacrer peut-être à des choses plus constructives et significatives. Aider son prochain, par exemple. Mais enfin, qui tu veux qu'on aide? Je sais pas, moi. Peut-être ceux qui ont besoin d'un coup de main. Extrait de Zoolander. Michel Oslo, donc Médecins sans frontières, ne veut plus recevoir d'argent européen. MSF refuse donc d'être financé par des institutions et des gouvernements dont les politiques font souffrir les gens, disent-ils. Est-ce que c'est cohérent selon vous ? Parce que je pense que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. C'est d'ailleurs le sujet de Azur et Asmar, ce fossé entre les installés, les récents. Là, on parle des très très récents. Je suis bien embarrassé, évidemment que tout ça me touche, mais je ne sais pas quoi dire et je ne sais pas quoi faire. Bah déjà, votre film Azur et Asmar, c'était déjà quelque chose. Bah si, ici on s'aime bien, mais il y a quand même pratiquement des problèmes avec une partie de la population mondiale qui se déplace vers une autre. Je suis embarrassé, je n'ai pas grand chose à dire et surtout pas des choses drôles. Non, l'émission est variée, le sujet est sérieux, mais vous vous sentez impuissant ou vous vous dites je vais bien faire ce que je fais et c'est mon message à moi, c'est ma pierre à l'édifice. Oui, ça je peux le dire. Tout ce que je fais, je veux absolument, d'une part, amener de la dignité aux gens, d'autre part, de leur dire décontractez-vous et puis on s'entend bien, c'est beaucoup plus agréable. Et mon prochain film, c'est aussi un sujet comme ça. Mais je défends, plutôt que des races différentes, des sexes différents. Et je défends beaucoup les femmes et les petites filles auxquelles on fait du mal partout. Et dont le statut recule partout. Autour de cette table, est-ce que André ou Guillaume, vous avez un avis là-dessus ? Donc MSF qui refuse l'aide européenne parce qu'ils sont scandalisés par la politique européenne de migration. Mais moi, je trouve que c'est à l'Europe. Vous n'allez pas être surpris, mais je trouve que c'est à l'Europe de gérer ces problèmes-là. Donc je pense qu'ils ont raison de refuser, moi. Mm-hmm. Mais MSF ne devrait plus exister depuis longtemps, si on faisait une vraie politique. Dans un monde idéal, c'est sûr. Dans votre monde, et Guillaume. Pourquoi on n'essayerait pas d'avoir un monde idéal d'abord ? Mais voilà, complètement, on est d'accord, hein, André Manoukian. Dans un monde idéal, ce qui manque un petit peu, c'est qu'on ait le réel contact avec eux, quoi. Et puis qu'on arrête de les appeler des migrants, c'est des réfugiés. Voilà, merci. Mm-hmm. Moi, mes grands-parents, c'était des réfugiés, sauf qu'ils sont arrivés ici. Ils étaient demandés par le gouvernement français parce que la guerre de 14-18 avait décimé, il n'y avait plus de main d'œuvre. Donc même la revenue ici, on a dit qu'ils sont bien accueillis, qu'ils ont été bien accueillis, qu'ils ont été intégrés, tout ça, on allait chercher des chrétiens, puisqu'ils étaient chrétiens, et on avait besoin de boulot. Donc c'est toujours l'économie qui prime. Il serait peut-être temps à ce qu'il y ait d'autres critères qui fassent qu'on réagisse. Et si on accueillait des réfugiés au bord du lac, il y a de la place là, moi je vois là. Mais ouais, évidemment. C'est un bel endroit pour faire des enfants. Hein, je sais pas, la mairie d'Annecy. Allez. Ah, déjà, il y a toutes les tentes du festival d'animation. Hein, si toutes ces tentes. Mais bien sûr, on va mettre un peu de Génépi. Il y a les 400 personnes de gauche d'Annecy qui sont réunies au même endroit. Évidemment. C'est déjà énorme. Le Génépi, le lubrifiant social. Et c'est parti, mais bien sûr, nous avons des solutions. À côté de vous, Michel Oslo, il y a Thomas Bideguin, scénariste de Son État et chroniqueur dans cette émission sur France Inter. Et oui, voilà, je pense que c'est mon moment. Je viens à nouveau, comme chaque fois, parler de storytelling, de tous ces petits récits aromatiques qu'on cueille comme ça et qu'on distille pour que puisse couler à flot le grand Génépi de l'histoire du monde. Alors le thème d'aujourd'hui, le thème du moment, et on le voit à longueur de JT, c'est la violence. Ah oui, je sais, c'est paradoxal de venir parler de violence ici à Annecy, cette gentille bourgade, ce havre de douceur où l'on imagine mal des hordes de nonagénaires déferlant pour foutre leur zone sur l'avenue de France et tout péter à coups de grands déambulateurs. Bang, bang, bang, bang. Non, pas sur la prostate. Oui. Oui, c'est paradoxal, parce qu'ici, les balades sur le lac tournent trop rarement à la baston générale. Parce qu'ici, les vendeurs à la sauvette vendent Elle Décoration, le journal des domiciles fixes. Parce qu'ici, personne ne pense à assassiner les députés qui sont contre le Savoixit. Oui, c'est paradoxal de parler de violence ici, mais bon, il suffit d'avoir marché dans Annecy après 21h30 pour se dire que c'est pas plus paradoxal que d'avoir désigné la ville comme un haut lieu de l'animation. Ah, bravo, bravo, elle est magnifique. Oh, Mais la violence est en soi un élément paradoxal du storytelling. Parce que, bien sûr, la violence, on en réprouve l'usage dans le monde réel. La violence, c'est moche. La violence, c'est la force des faibles, comme disait Ali le chimique, et ma première femme. Et pourtant, il est bien dit... Non, j'ai eu un doute pendant 4 mois. Et pourtant, il est bien difficile de se en passer de la violence quand on veut raconter une histoire. La violence est un élément essentiel du storytelling. Parce que dans une bonne histoire, il faut du conflit, et que du conflit à la castagne, il n'y a qu'un pas. C'est un peu comme du reblochon à la tartiflette. Il suffit de se chauffer un peu. Regardez comme les types en viennent aux mains dans les meetings de Donald Trump. Voilà, c'est comme ça, la violence verbale ne le reste jamais longtemps. D'ailleurs, cette semaine, c'était l'anniversaire de Donald Trump. 70 ans. C'est pratique, c'est le genre d'anniversaire où on n'a pas besoin d'inviter un clown. Oui. Oui. Oui, Donald Trump a eu 70 ans, et c'est à peu près, d'ailleurs, le même âge que ses opinions sur la condition de la femme. La violence appelle la violence. Et ça sonne jamais occupé. Même chez nous... C'est merde. Alors là, je pensais jamais que ça serait une blague. C'est le meilleur, Thomas. Merci. Même chez nous, regardez François Hollande, un type qu'on élit parce qu'il est le roi du compromis, du consensus, de la conciliation, de tous ces mots en con. Ma grand-mère disait d'ailleurs que bon et con, ça commence par la même lettre. Alors, on l'élit et on pense qu'on va être peinard. Et puis, 4 ans plus tard, il a fait 2 guerres, on a 6 mois d'état d'urgence, un flic derrière chaque arbre et des militaires en uniforme qui patrouillent dans les rues. Un attirail incroyable. Et comme la violence appelle la violence, on a aussi, du coup, le FN à 40%, des hooligans, des casseurs et même Daesh qui va chez les gens pour les tuer. On ne peut pas vraiment s'en étonner parce que c'est la règle. La grande règle concernant la violence dans le storytelling, c'est qu'une fois qu'on sort les guns, on va être obligé de les utiliser. Bruce Lee, une fois qu'il a sorti son nunchaku, on sait que c'est fini. Il n'y aura plus de référendum. Clint Eastwood, c'est pareil. Quand il sort son gun, ça sent un peu le 49-3. Parce que Bruce et Clint, d'ailleurs, ils s'y connaissent. Ils savent de quoi ils parlent. Et la violence, comme la proctologie, c'est une affaire de professionnels. Le problème, c'est qu'on en manque un peu de professionnels. Et que l'humanité se divise en 2 camps fort mal répartis. D'un côté, il y a les Clint Eastwood, qui ont peur de rien, qui regardent le monde avec les yeux mi-clos, et qui, même en poncho, conservent une certaine allure. Et de l'autre, il y a les Mexicains, ceux qui transpirent, ceux qui parlent avec les mains, qui volent des poulets et font mendier leurs enfants sur des routes désertes. Et quand surgit la violence, on préfère être du côté de Clint Eastwood que de celui des Mexicains. Et puis, voilà, avec François Hollande, on n'est pas complètement certain d'être du bon côté. Et c'est pour ça, quand c'est en troublé, on se dit qu'on est bien content de se retrouver ici, sous le soleil d'Annecy. Cette ville de Mexicains à la retraite, où il fait bon se réveiller de la sieste sous un sombrero au bord du lac, en se disant qu'on est toujours en temps de paix. Thomas Bideguin, merci. Oh, quel triomphe à Annecy, sur les bords du lac, au Festival des films d'animation sur France Inter. Nous avons choisi un 3e sujet pour Michel Oslo. Les pêcheurs du lac d'Annecy plaident pour l'utilisation des moteurs électriques. Mais il n'y a pas assez de prise de courant encore. Ça, on le sait parce qu'on l'a lu dans le Dauphiné. Guillaume Meurice a tendu son micro au porte-parole de l'association Annecy Lac Pêche. Cher monsieur, que vous pêchiez la blette ou l'espadon, ou que vous trempiez vos lignes dans le clapotidier poids ou dans le Gulf Stream, c'est votre affaire. La mienne, c'est de construire un bateau. Oh, puis merde, ça va comme ça. Baron Beach m'attend pour la course Sydney-Hobart. Mes cap nord-nord-ouest et messieurs, bon vent. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Michel Oslo, est-ce que vous pratiquez la pêche ? Non. Ah ben voilà, c'est la fin de cette émission, merci. Quand j'étais petit, on m'a invité à aller à la pêche, j'étais très content, et puis j'ai lancé la ligne, et puis ça a mordu, et puis au bout de l'hameçon, il y avait un poisson qui bougeait, qui souffrait, qui criait, Et on a arraché l'hameçon avec des intestins qui venaient. Et après j'ai arrêté. J'ai arrêté. Un enfant certainement que vous avez pêché. Hein. C'est beaucoup plus grave là. Hein. Voilà, c'est mon passé pêcheur. C'est comme ça dans les émissions de pêche. Quand ils pêchent des vous avez jamais vu les émissions de pêche, quand ils pêchent des poissons, ils les mangent pas. Ils détachent l'hameçon et ils les rejettent. En fait, ils veulent pas attraper vraiment le poisson. Ils veulent juste que le poisson soit en retard pour un poisson. Voilà. Écoutez, si le sujet vous intéresse, moi je vous renvoie au Dauphiné. J'aimerais quand même avoir votre avis sur Annecy, parce que est-ce qu'on est obligé, quand on travaille dans l'animation, d'être attaché à cette ville d'Annecy? Oui. Non, il y a une chose claire. C'est le plus gros, c'est le plus beau, c'est le plus vieux. Le 39e. Oui, mais bref, c'est le plus gros, le plus vieux, le plus beau. C'est l'endroit où il y a le plus de monde. Pardon, Thomas, vous êtes... Pardon, on dit la même chose de Dédé. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que là... C'est extraordinaire que cette ville ait tiré ce jeu et pu le développer à ce point. C'est un phare. Mais depuis très longtemps, j'étais étudiant à Los Angeles. Il y a très longtemps, personne ici n'était encore né. C'était en 68. Et les animateurs faisaient de la pub pour gagner leur vie. Et dans le soir, dans un coin, ils faisaient un film pour Annecy. Dès 68. Voilà. Et alors, il faut dire que c'est vachement mieux que le Festival de Cannes. Mais oui, c'est plus chic, c'est plus beau, c'est l'animation. Évidemment, c'est pas bling-bling. Et lui n'est pas bling-bling. Vous l'attendez, c'est Frédéric Fromet. Frédéric, le public attend. De quoi allez-vous nous chanter? Je suis très déçue par ce festival du film d'animation d'Annecy qui a fait l'impasse sur une série qui cartonne aux États-Unis. Donald Trump, c'est l'Amérique de tous ceux qui aiment les moumoutes. Mis à part cette drôle de couleur blond filasse, la moumoute, c'est son côté pujadas. Il a tout pour prêter à la rigolade. Voici le président Donald. Certains disent qu'il est complètement barjot. C'est pas vrai, sinon il s'appellerait Dingo. Donald Trump, c'est l'Amérique de tous ceux qui aiment les armes à feu. Si tout le monde était équipé, on aurait moins peur. Donnons un flingue à Stevie Wonder. Notre ami Donald n'est pas misogyne tant que les bonnes femmes sont en cuisine. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime les immigrés quand ils sont très très loin. Donald Trump, c'est l'Amérique de tous ceux qui aiment la torture. Pour le coup, on est très mal placé pour le critiquer. Nous en France, on subit Christophe Mahé. Regardez son teint, Donald aime les carottes. Et pourtant, ce n'est pas une fiotte. Il a même plein de gratte-ciel à son nom. C'est quand même autre chose que les autocars Macron. Donald Trump, c'est l'Amérique. Certains parlent de vulgarité. Ne soyons pas injustes avec ses gros sabots. Il ferait un bon mari pour Morano. Chez Hillary, Yari, alors il croit que c'est un complot des Chinois. Il est persuadé d'être le meilleur qui soit. On a déjà connu ça avec Nicolas. Donald Trump, c'est l'Amérique de tous ceux qui aiment les grandes gueules. Quel dommage que les Français ne parlent que français, sinon Donald serait une star sur RMC. Donald Trump, c'est l'Amérique. Revenons pour conclure à la moumoute. De quoi aurions-nous l'air si Donald ainsi coiffé avait pour homologue Alain Juppé? Frédéric Fromet qui emballe la salle au bord du lac d'Annecy. Merci Frédéric. La triomphe. Oui, nous étions en direct du Festival international du film d'animation d'Annecy. On remercie toute l'organisation pour leur accueil, pour le temps magnifique qui règne au bord du lac depuis tout à l'heure. Merci, merci beaucoup Michel Oslo, le pionnier de l'animation, d'avoir passé cette heure avec nous. Pionnier, n'exagérons rien. Oh, bah si, c'est un mot que j'aime beaucoup, je dis ça à tout le monde. Pionnier, Florent Pagny, pionnier de la philosophie, tout ça, moi j'adore. Merci beaucoup Michel Oslo, profitez bien de ce festival qui se clôture demain soir. Merci au public, merci à toutes les équipes techniques de Radio France, merci à toute l'équipe de André Manoukian, le régional de l'étape, Guillaume Meurice qui fut lâché dans les rues, Thomas Bideguin qui fit un triomphe, Alex Vizorek et ses brèves, et Michel Oslo. Merci et merci le public. Nous laissons le mot de la fin à François Hollande, extrait de son discours au Festival d'Annecy. Un dernier bonsoir à tous les petits qui regardent la télévision. Moi, je reste toujours sur mon nuage et je joue de la musique avec mon pipeau.